info dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. L'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications n'a fait qu'appliquer le décret du 18 avril 2014, toujours d'actualité en matière de redevances exigées pour l'exploitation des fréquences radio. Ainsi, la RCT répond à la préoccupation de la radio-télévision Isanganiro qui souhaite que ces redevances soient payées en monnaie locale au lieu des devises. Et l'Olicom jette une grande part de responsabilité au gouvernement dans le manque de fertilisants FOMI. Vous entendrez Gabriel Rufiri. Et environ 5000 Burundais demandeurs d'asile en République démocratique du Congo sont internés depuis 2 mois déjà au centre de rassemblement de Sangé. C'est à 40 km au nord de la ville d'Uvira. Correspondance à la fin de ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les frais exigés chaque année par l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT pour le renouvellement de l'autorisation d'exploitation des fréquences radio devraient être payés par les médias en francs burundais au lieu des dollars, comme le réclame cette agence. Proposition faite par le directeur AI de la radio-télévision Isanganiro au moment où ces frais changent suivant le cours du taux de change et que pour cette année par exemple, la RTI a vu cette somme passer de plus de 13 millions à plus de 19 millions de francs burundais, Charles Makoto estime que ces frais devraient être allégés vu que les radios ne collectent pas de devises à travers les services qu'elles offrent au public. On l'écoute. On est appelé à payer 6 750 dollars. Donc le problème réside dans ce taux de change parce que si vous convertissez pour l'exercice 2022-2023, on a payé 13 885 603 francs burundais. Mais aujourd'hui, avec le même montant de 6 750 dollars, on est appelé à payer 19 289 068 francs burundais. Donc cette variation de taux de change de monnaie entraîne la hausse de cette renouvellement d'autorisation d'exploitation radio. Donc pour nous ça devient un grand problème parce que pour nous, Radio Isanganiro, mais également pour tous les radios qui diffusent à travers le territoire du Burundi, qui sont soumis au renouvellement d'autorisation d'exploitation, ça devient un grand problème. Pourquoi? Parce que ça pèse sur les activités quotidiennes des médias qui sont appelés à déplacer les journalistes, qui sont appelés à utiliser les groupes électrogènes, qui sont appelés à payer l'impôt, le site salaire, qui est appelé à payer la TVA. Donc ça devient du coup un problème se lier pour le fonctionnement des médias qui aujourd'hui se trouvent dans une situation financière qui n'est pas, je dirais, saine. Donc nous demandons à la ARCT de bien vouloir faire payer cet argent d'autorisation d'exploitation des fréquences, monnaie locale, parce que les médias burundais qui travaillent à l'intérieur du pays n'ont pas des clients qui amènent des devises dans ces médias. Donc cette exploitation devrait être payé en francs burundais et non pas sur fixation par rapport à la monnaie étrangère, par rapport aux devises qui sont rares dans les médias, qui n'existent pas même dans les médias, parce que ce qui permettrait les médias de travailler au moins dans une situation plus ou moins acceptable. Charles Makoto, directeur AI de la radio-télévision Isanganiro. L'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications explique la hausse de ses redevances par le cours du dollar. Samuel Muhizi, directeur général de cette agence, parle de la mise en application du décret du 18 avril 2014 qui jusqu'ici n'a pas changé. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. L'exploitation du secteur est régie par le décret numéro 100/97/18 avril 2014. Portant fixation des conditions d'exploitation du secteur des télécommunications électroniques. Lequel décret n'a pas changé depuis 2014 et qui nous sert de base dans la facturation pour les ressources en numérotage et en fréquence utilisées dans la radiodiffusion, la téléphonie mobile, la télédistribution, etc. Alors, conformément au décret des redevances relatives à l'exploitation du secteur, il n'y a pas eu de changement. Ce qui change peut-être, c'est le taux de conversion du dollar à l'audio de la facturation. Parce que les annexes, comme vous le verrez, c'est le décret, qui fixe les montants des redevances sont en dollars. Mais vous verrez que, conformément à l'article numéro 4 du même décret, les étrangers payent en dollars. Tandis que les nationaux et les résidents paient en francs. Il est explicitement écrit que les résidents paient selon le taux de conversion du dollar, le taux du jour pour la conversion du dollar en francs bourg. Alors, s'il y a eu des changements ou des différences, c'est sûrement à cause de la fluctuation du dollar par rapport au francs bourg. Vous verrez que si vous n'avez pas à solliciter de nouvelles ressources en fréquence, la même facture qui avait été élaborée l'année passée et convertie en francs bourg, c'est la même convertie en francs bourg selon le taux du dollar 10 jours. Samuel Mouhizi, directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, Olecom, trouve que le gouvernement a une grande part de responsabilité dans le manque des fertilisants en FOMI, même si tout n'est pas rose du côté de cette usine. Le président de cet observatoire le dit après qu'au cours d'une réunion du Premier ministre mardi dernier, le directeur général adjoint de l'entreprise FOMI a hésité à préciser quand ces fertilisants seront disponibles pour la saison culturelle A qui approche. Gabriel Rouftiri regrette que ses pouvoirs publics constatent de tels défis tardivement. Suivez Gabriel Rouftiri, dont les propos ont été recueillis par Evariste Nzikobanyan. Au regard des propos que le Premier ministre a tenus à l'endroit du représentant de FOMI au Burundi, il est clair qu'il y a une mésentente entre FOMI et le gouvernement. Mais pour nous, nous situons cette situation dans un endroit où le gouvernement, normalement, a une très grande responsabilité. Premièrement, l'Olicom ne comprend pas comment les recommandations qui ont été émises lors des états généraux sur l'agriculture n'ont pas été suivies. Nous demandons à ce qu'il y ait d'abord l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations ici des états généraux de l'agriculture. Comme ça, on va jeter des bases solides pour qu'on puisse réellement arriver loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour nous, nous voyons qu'au lieu d'attaquer publiquement FOMI, pour nous, le gouvernement devrait d'abord montrer ce qu'ils ont fait, parce que tout n'est pas fait dans les réunions. Nous voyons que c'est le président, le vice-président, le premier ministre qui s'occupe de ces questions. Mais en dessous d'eux, il y a des services techniques, à commencer par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les techniciens de ce ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Normalement, vous avez vu que cette réunion a été tenue au mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le mois qu'on commence l'agriculture pour la saison A, Agatasi. Mais avec les réponses que le représentant de FOMI a données, il est clair qu'il n'y a pas eu de suivi dès le départ, parce que les représentants des PAE ont montré qu'il y a un ça ne va pas. Mais avant cela, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les recommandations qui ont été émises? Quelles sont les décisions qui ont été prises pour que cette situation soit remédiée? Rien. Donc pour nous, nous voyons que la grande responsabilité émane de l'État. Gabriel Rouftiri, président de l'Olicom. Certains habitants de la ville de Bujumbura trouvent que le niveau des apprenants a baissé ces derniers temps. Selon eux, il y a des connaissances que l'élève d'aujourd'hui n'a pas. À quelques jours de la rentrée scolaire, ces personnes disent que l'une des causes de cette situation est que les conditions de travail de l'enseignant ne sont pas suffisamment prises en compte. Ils demandent à l'État de mettre beaucoup d'efforts dans ce secteur. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Si nous considérons l'enseignement qui était fourni dans le passé, c'était organisé de façon que tu sors des humanités avec un bagage et un niveau de telle sorte que tu puisses t'exprimer et créer un projet. Le nombre des élèves a aussi augmenté de façon exponentielle et cela a empiré les choses. Nos vieillards disent que le certificat du tronc commun est plus important que le diplôme des humanités d'aujourd'hui. Ce que nous demandons à l'État est qu'il donne une formation aux enseignants. Si nous analysons bien, les enseignants ne sont pas bien payés et ils mènent une vie difficile. Il peut y avoir qu'ils arrivent au boulot avec en tête les problèmes de la maison, le loyer, etc. Qu'ils aient effectué un long trajet avec tout cela, ils ne peuvent pas donner un enseignement de qualité. Ce que nous demandons, c'est que les enseignants soient mieux considérés pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations tranquillement, car si un pays n'a pas de gens bien éduqués ne se développent pas. La formation que percevaient les élèves dans le temps n'est plus pareille que celle d'aujourd'hui. L'élève qui a été formé dans les années antérieures est intelligent par rapport à celui d'aujourd'hui. Si on pose une question à un élève d'aujourd'hui, il risque de ne pas te répondre. C'est pas que les enseignants n'en font pas leur travail, ils le font. Mais je ne sais pas si le problème ne vient pas des élèves. On devrait mettre un accent sur la formation et surtout sur l'enseignement du Kirundi, car nous sommes des Burundais. C'était le micro-baladeur de la rédaction. Début du bornage de la réserve naturelle de Ngayamba, au nord-ouest de la ville de Rumonge, ce jeudi 7 septembre 2023. Berkman Seatungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, collaborant avec l'association Conservation et Communauté de Changement dans ce projet, indique que c'est dans l'optique de préserver l'environnement tout en séparant le domaine de l'État du domaine privé. C'est au moment où les bornes constituées d'arbres ont disparu dans certains endroits à cause des maisons d'habitation qui y ont été construites. Jean-Pierre Misako. Le début de ce bornage a concerné la partie sud-ouest de cette réserve sur une longueur de 1200 mètres. C'est en effet dans cette partie où la pression démographique sur cette réserve se fait sentir avec un pare-feu qui est souvent déplacé au profit de l'espace à bâtir, selon Berkima Seatungimana, directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Cette fois-ci, il s'agit des bornes séparant le domaine de l'État et celui de la population pour mettre fin aux conflits fonciers souvent rapportés entre l'État, représenté par l'Office burundais pour la protection de l'environnement, et la population se réclamant propriétaire de cette réserve. Et c'est une activité qui s'étendra sur toutes les aires protégées du Burundi, a déclaré le directeur général de l'OBPE, qui appelle au respect de ses bornes. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, prévient les administratifs et la population que celui qui violera ses limites sera puni conformément à la loi, appelant la population de Rumonge à être des exemples dans la protection de l'environnement. Cédric Tuisenge de l'association Conservation et Communauté de Changement, appuyant l'OBPE dans ce projet, dit que la protection de ces aires est une priorité et indique que cette fois-ci, des coordonnées géographiques de ces bornes seront prises et enregistrées afin de procéder en cas de besoin à une vérification. Jean-Pierre Misago, depuis Ngayamba, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On termine ce journal par nos voisins de l'Ouest. Un afflux massif de demandeurs d'asile burundais signalé en province du Sud Kivu depuis environ 2 mois. La Commission nationale pour les réfugiés parle de 5000 personnes internées au centre de rassemblement de Sangé. C'est à 40 km au nord de la ville d'Uvira. Des Congolais disent reconnaître plusieurs d'entre eux qui ont été rapatriés par le passé. Jérémy Kouhima. Dans un reportage effectué au centre des rassemblements de Sangé, il a été signalé que ces réfugiés qui arrivent massivement font peur aux habitants qui ne savent pas les raisons pour lesquelles ces voisins vont toujours en refuge. Interrogés par notre reporter, ils disent fuir les tracasseries dont ils font l'objet dans leur pays de la part de leurs adversaires politiques. À la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, nous avons voulu savoir si les conditions sont réunies pour les accueillir. Est-ce que ces derniers ne sont pas arrivés au pays pour la énième fois? Et quelles sont les mesures urgentes prises pour leur salut? Monsieur Gilles Manda de la CNR répond. Oui, bien sûr, comme vous venez de le remarquer, il y a beaucoup de demandes d'asile, environ 5000. La première vague est venue déjà en mars, avril, mai, jusqu'en juillet. Nous sommes en train de l'enregistrer afin qu'une fois reconnu comme réfugié, qu'il soit transféré ou relocalisé au camp de Mulongo. Maintenant, nous sommes là, nous enregistrons. On a fini à Kavimvira, on est en train de travailler jusque samedi. Et on va transférer les listes à Kinshasa, à la commission d'éligibilité, pour qu'on voit leur reconnaissance de statut. Une fois reconnu réfugié par la commission d'éligibilité à Kinshasa, maintenant on va procéder à leur relocalisation vers le camp des réfugiés à Mulongo. Mais le souci, c'est que d'ici peu de jours, qu'on puisse relocaliser tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui ont été rapatriés, qui sont revenus avec des nouvelles demandes, tout à fait normal. Il ne faut pas dire la moitié, c'est même pas la moitié. Nous avons rapatrié beaucoup de réfugiés. Ceux qui sont rentrés, ils ne font même pas un quart. Ils fuient les persécutions dans leur pays. On ne va pas détailler ça, c'est la protection c'est confidentielle, mais au moins, ils fuient des persécutions dans leur pays d'origine. Oui, on a dénombré quelques cas de choléra, c'est sûr. Je pense que le partenaire ADES en a pris des précautions. Pour la plupart, la province de Tshibito. Et dans un discours prononcé jeudi soir, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que depuis décembre 2021, au moins 567 membres d'un groupe rebelle lié à l'État islamique ont été tués au cours d'opérations menées par l'Ouganda. 50 autres ont été capturés. Ce groupe rebelle, connu sous le nom de Force démocratique alliée ADF, s'est retranché dans les jungles de la République démocratique du Congo voisine. En juin dernier, des djihadistes avaient massacré 42 personnes dans une école de l'ouest de l'Ouganda, marquant la pire attaque connue le pays depuis des années. Et en actualité sportive internationale, la France accueille la Coupe du Monde de rugby qui se déroule tous les 4 ans depuis 1987. La France avait déjà été pays hôte en 2007. Versés ensemble dans le groupe A, les Français et les Néo-Zélandais ouvrent ce mondial de rugby ce 8 septembre. C'est tout à l'heure, par un sommet déjà aux heures de finale. 2,5 millions de spectateurs, dont 600 000 étrangers, sont attendus pour un événement qui durera près de 2 mois, c'est-à-dire du 8 septembre, aujourd'hui, au 28 octobre 2023. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douiman.